d'improviser avec cinq mots. Ouais, ben je peux pas aller plus loin dans la dispersion de mon imaginaire puisque je dois faire ça en 20 minutes. 20 minutes, t'es cinglé? Pour faire une bonne émission de radio, on veut pas en faire une bonne. Non. Il y a un prérequis. Moi, j'ai une voiture, une Suzuki. Non, c'est un prérequis. Oui, c'est quoi le prérequis? C'est de parler 10 minutes gros maximum. Ensuite, enchaîner avec une chanson. Ben, moi, je veux pas m'enchaîner. Je veux tout simplement aller de mots en mots. Un peu comme on peut quitter un pays pour aller de temps en temps et attendre de port en port. Encore, je sais, je ne le jure, je pourrais oublier mon port. Bon. Mais c'est pas là la question. C'est plutôt une réponse étrange. Et pourquoi je n'ai pas enlevé des épaisseurs? Moi, là, il fait chaud. J'ai la sueur dans la... Bon. Et puis donc, sur le public, ça ne savait même pas que tu avais ça. Mais voyons d'autres, oui. J'étais un humain. Ben en fait, j'étais avant un STS. Mais je suis allé voir un chirurgien plasticien. Il arrêtait pas d'aboyer. Ça va coûter 20 piastres. 20 piastres, 100 piastres, 100 piastres, 200 piastres. Toi, là, 300 piastres, arrête donc. Vous avez juste à faire quelques retouches sur mon beau visage. Il a été malade. J'étais avec un alcoolique. J'étais avec un workaholique. J'étais avec un colique de Saint-Simonac, de personnage bizarroïde. Bonjour, mon ami, c'est moi, Rénal Gagné. Ton ouverture vers quelque chose d'assez extraordinaire, pour ne pas dire hors de l'ordinaire. Là, comme je voulais vous balancer en début d'émission quelque chose, en fait, une proposition, si vous voulez, hein, sinon on peut arrêter ça puis faire jouer de la musique jusqu'à In Vitam Paperman. J'ai choisi dans le dictionnaire parce que je l'ai trouvé, oui, en dessous de tous mes livres d'Henri Miller. Et l'autre, là, l'autre pervers, là, comment s'appelait-il? Sad. Mais l'autre, le Nabokov. J'ai trouvé mon dictionnaire Robert, de quelle année? Ah, mon Dieu, on voit ça les années dans le dictionnaire, dans le dictionnaire lui-même. OK, attendez un petit peu. Ça, c'est à 107 Avenue Parmentier, Paris, 9e arrondissement. Non, 11e arrondissement. Faudrait que je vais aller les voir cette année. Je vais leur dire, Rénal Gagné, dans le dictionnaire, là, ce serait super bien apprécié. Ce serait apprécié. Mais avant de mettre mon nom, parce que ça ne vaut pas la peine quand même, pas encore. C'est KRL. Je vais demander de placer dans le dictionnaire Robert, c'est KRL. C'est KRL. Hein? Première radio communautaire francophone au monde! Hey, on prend-tu la chance d'appeler monsieur... Non, je voulais faire 5 à improviser. OK, je le sais, on va là! J'ai le petit... Excusez-moi, c'est une chicane intérieure, là. C'est comme au sein d'une famille, mais c'est dans mon cerveau. Il y a de la vaisselle qui se tire, là. Il y a des tasses, là, qui... Il y a des ruptures au miroir. Sur le miroir rouge à lèvres, je t'ai laissé un mot d'adieu. Pardonne-moi, petite Jane, je m'en vais, je refais ma vie. Elle a mis en train de faire, reflétait ton air malheureux. J'ai voulu m'ouvrir les veines, puis j'ai réfléchi. Sa taille était un orfèvre, comme un petit bijou précieux. C'était le plus beau spécimen de gamine que j'ai vue de ma vie. Mais là, c'est pas la chanson de Rupture Miroir que... L'année du dictionnaire, ben oui, attendez un petit peu. Dictionnaire, peut-être à la fin, hein? Je suis sûr qu'à l'école primaire, on montre aux enfants comment... 1990! Oh! En 1990, c'est le temps de l'imagination! OK, alors je vais prendre 10 mots au hasard. 5 mots, parce que là, on a déjà emprunté beaucoup de secondes. Alors, on va commencer par décoratif. J'ai choisi au hasard décoratif. Je le prends en note, ça ne vous dérange pas. Décoratif. Ça va bien entre vous, oui? Non, allez vous chercher un verre d'eau, c'est le temps. Là. Ensuite, deuxième mot au hasard, c'est étonné. Bon, étonné. OK. Bon, c'est excellent jusqu'à présent. Ensuite de ça, infiniment. infiniment. C'est long, hein? Il y a des soirs qui se perdent, donc. Oh, moralement. Bon, moralement. Si vous croyez que c'est pas vrai, là, allez sur moralement. Moralement. Et puis ensuite, allez voir sur YouTube, hein, l'imagination. L'imagination est filmée en direct. Ben là, c'est plus du direct, là, c'est ça. Et puis le dernier mot, c'est percussion. Oh, monsieur, percussion. Percussion. Alors, je vous l'ai redit. OK. Ah, j'espère que ça va lever, ça-là. Là. Alors, il y a décoratif, étonné, infiniment, moralement et percussion. On a-tu la... Avons-nous la... Ça serait bien, le sifflet. Mais là, premièrement, là... Hey, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas dit premièrement. Je sais pas comment procéder. Peut-être dans... Oh oui. OK, d'une manière à l'envers, tiens. OK, je vais... du dernier mot jusqu'au premier. Je vais essayer d'inventer une histoire. Et mais... Ouf! Ça commence par percussion, hein? Aïe, aïe! Oh, l'écho! Il y a de la percussion dans le cerveau, là, hein? Oh, on va arrêter ça. Non, mais je suis jamais habitué par autant de frénésie intellectuelle, moi, là. Puis en plus, je me rajoute une pression supplémentaire. Une percussion qui vient me suctionner la matière grise qui, quand même, depuis quelques années, rapetisse lentement. Un peu comme la vie qui se fait brûler par les deux bougies, moralement. Moralement, j'ai la vision de l'existence de notre société assez pessimiste. Et monsieur, il y en a, oui, Cécile. Ça, c'est les serpents de Sibérie. Vous connaissez les serpents de Sibérie? Ça a l'air de rien, ça. Hein? Oui, oui, là, ça se promène, ça chante, là. Ouh, la, la, la, ta, la, la, la, la, la. Ça, c'est le petit serpent de Sibérie. Là. Ta, la, la, la, la. Puis là, ça voit un humain. En fait, ça voit pas un humain, ça voit une cheville. Mais là, c'est pas fou, ça, là. On se dit, oh, des animaux, c'est pas intelligent. Eh, hey, wow! Nous sommes des animaux. C'est vrai qu'on est imbécile, là, mais le serpent de Sibérie, lui, il se dit, hey, attention, c'est une cheville, puis en haut de la cheville, là, c'est un peu comme Zachary Richard, là. L'arbre est dans ses feuilles, mal iré, en bas de la feuille, il y en a une, là, lui, c'est. Si je mords la cheville, il y a une jambe. Si je mords la cheville, il y a une jambe. La jambe est sous le tronc est dans les bras sont greffés à la tête. Non, c'est au corps. Au corps du Christ. Amen. C'est infiniment beau, le genre humain. C'est infiniment grand, le genre humain. C'est infiniment incalculable. Là, c'est le mot infiniment que j'essaie de suctionner, là. Ben, les gens le savaient, monsieur Rompré. Non, c'est Rompré. Monsieur Rompré, oui, j'arrête ici mon chemin. Ben, ça tombe bien, monsieur Rompré. Oui. Ce n'est pas un petit zoo tranquille, cela, là. Parce que tout le monde sait que la nuit, ce n'est pas un zoo. Un zoo la nuit, M. Lauzon, un de ses meilleurs films. Un de ses meilleurs films. Mais moi, je vous dis, enlevez la séquence. Les gens vont dire, oui, mais il y a Léo Lowe. Ben oui, il y a Léo Lowe. C'est vrai, il y a Léo Lowe. Il y a Ginette Renault dans Léo. C'est une grande comédienne, Ginette. Je ne sais pas pourquoi les cinéastes, les réalisateurs québécois ne laissent pas la place à ce monument. Autant que sa voix est « Ce soir, je ne suis que de chanson. » Mais ça, c'est moi, une reprise, là. « Ni plus ni moins qu'un voleur de passion. Appelez-moi bouffon d'illusion. Je fais l'amour comme je brûle des torchons. » Ah ouais, le torchon. Et puis, non, mais je sais que ça peut vous étonner, ma voix. C'est le mot étonné. Hey, je lis à mesure. Regardez sur YouTube, là. Je ne mens pas, madame la présidente. La commission Barbonneau. Madame Barbonneau, je ne triche point. J'aimerais dire à vos juges et jugesses, mais non, c'est à vos juges et juges, à vos juges et juges que vous me jugerez à l'incapacité intellectuelle de ma phrase. Quoique depuis le début, je sais, je suis plus qu'innocent, doublement innocent. Un saint petit. Un saint petit. Saint petit, sans moi ce soir, d'abord de bien belle pose. Donne-moi du haut. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles, car j'ai rendez-vous. Elle me met. Voyons là, dictionnaire, non. Elle me met. Elle m'aimera tant. Je suis obligé de conjuguer, madame, en chantant. Lorsque j'étais petit garçon, je conjuguais en chantant. Et bien, des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est toujours plus inquiétant de se faire traiter de con en chanson. Mais là, ce n'est pas la chanson qu'il nous faut. C'est le dernier mot, sans doute. C'est décoratif. Tout cet univers cinématographique et narratif. Un univers. Calme-toi. Ça va bien? On dirait que j'ai une crise maliaque. J'ai le cœur qui veut manger. Est-ce possible qu'un cœur mange l'autre cœur? Parce que si vous divisez ça en deux, il y aurait peut-être une chicane. Un chaos entre le cœur de gauche et le cœur de droite. Quoique, là, vous allez me dire, il y a juste un cœur. Je sais, il y en a. Mais vous savez, c'est une forme de « je t'aime, moi non plus ». Bon, hein? Deux petites boules vers en, puis qui s'en vont en bas. Là. Alors, si tu les divises, ça fait la moitié d'une petite boule. Qui dit la moitié d'une petite boule? Tu n'es pas jalouse de l'autre petite boule? Que les petites boules, tu sais, les deux petites boules se regardent, là, puis ils se disent entre elles. Là. Ouais. Tu pompes, toi, hein? Ouais. Je pensais que c'était Brigitte qui pompait le plus, mais non, c'est toi. Gaétane. Attends, moi, si j'arrête, je vais en pomper un coup parce que tu dois me rattraper, là. Hein? Si je mouille, là, je veux cesser de battre. Que feras-tu? Ben, elle m'a travaillé deux fois plus fort. Ben, c'est ça, je vais cesser de battre. Non, fais pas ça. Elle fait pas ce soir, parce que hier, il s'est démené, lui-là. Il se prenait pour un jeune. Un jeune de 17 ans, là, c'est un malade. Faudrait qu'il aille voir son cardiologue. Mais là, il dit, oh non, moi, c'est des pieds de vin, l'ambulance en arrière. Puis, il pense que c'est des histoires cinématographiques. Hein? Bon, c'est pas ça, la vie, là. Là, il dit, je veux pas coûter cher à l'État. Moi, je vis ma vie, je brûle ma cigarette, puis il part les deux bouts, puis on arrivera dans le milieu, puis ça sera un sarcophage d'amour. Ben, moi, t'es un malade. Alors, ici devant vous, j'ai fait une improvisation avec décoratif, étonné, infiniment, moralement et percussion. La semaine prochaine, nous tenterons de faire plus fort encore. Hé, hey, t'es capable! Le mot incapable dans mon univers n'existe pas. Quoique mes professeurs me disaient, Rénal Gagné, t'es un incapable. Oui, mais je vais en prendre deux brassées, s'il vous plaît. Si vous voulez les mélanger, parce que j'aime bien mixer, moi, les incapables. C'est pas de Victor Hugo, ça, les incapables? Non, c'est les misérables. Ben, c'est ça. Je savais, là. C'était pas parce qu'un manque de culture, là. C'était pour vérifier si vous saviez. Vous avez une formation universitaire, vous? Ouais, mais c'est à l'université malade. Oh, mon Dieu! Hey, quel professeur que ça fait? Ça fait des professeurs malades. OK. Ah, c'est pour ça que Serge vous chante régulièrement à la fin de sa tournée. Monsieur le Président. Oh, c'est un message. Il n'y a pas de message. Ici, c'est une émission sans message. Sans message, sans mots. Sans mots, sans message. Sans message, sans mots. Sans mots, sans message. Sans message, sans mots, sans mots, sans message, sans message, sans mots, sans mots, sans message. Ça fait quoi? Ça fait 250 fois qu'on vient de le dire, sans message, sans mots. 100 fois 100, ça fait de 100 000, 100 000, 200 000, 300 000, 100 000. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée, avec votre magicien du surréalisme, Reynald, le néant gagné. Vous savez d'où vient mon surnom néant? Je ne le nommerai pas. C'est un bonhomme qui a déjà travaillé à Réouéla. Là, pour montrer qu'il avait déjà travaillé à Réouéla, peut-être 2-3 jours, je ne sais pas, là, il avait des boîtes, mais des boîtes, à peu près une vingtaine de boîtes, indiquant très bien dessus que ça provenait de Réouéla. Puis là, il accueillait ses étudiants et étudiantes en disant, ouais, ton texte, là, faudrait peut-être revisiter quelques passages. Parce que moi, j'ai déjà travaillé à Radio-Canada. On n'admettait pas ça, ce genre de choses-là. Là. Parce qu'à Radio-Canada, on purifiait toute dramaturgie pour la rendre audible à nos auditeurs et auditrices. Car quand même, c'est une radio d'État qui se met quelquefois dans tous ses états. Qui cherche des tas de mots et des tas de phrases pour dire « Je t'aime, je t'aime. » Aujourd'hui, le vendredi 12 avril, et je suis tellement heureux de vous le présenter, c'est un personnage. Deux qui se rencontrent en même temps, là, ça fait des flamèches, ça fait des courts-circuits, ça fait des bonnes émissions. Vous allez en constater, là, vous allez en avoir la preuve. De visu et d'une manière auditive. Qu'est-ce que tu allais dire? Je ne tiens pas à aller plus loin dans ma phrase. Puisque le ridicule tue. Aïe, aïe! Oh! C'est mon cœur qui mange l'autre cœur. C'est hier, ils ont arrêté de pomper. Pomper. Oh, que faisiez-vous au temps chaud? Dit-elle la pompeuse. Ben, je pompais 20 piastres par jour. Oh mon Dieu! Vous vous habitiez où? À Limoilou? Aïe, aïe, donc! Oh oui! Vous êtes. Je suis la pompeuse de l'imaginaire. Oh! Aujourd'hui, le vendredi, on en connaît les pompeuses de l'imaginaire, là, hein? On ouvre notre porte-monnaie. On compte les grelins-grelins. Grelins-grelins, ça va bien? Oui, bon, oui, merci. Alors, vendredi 12 avril 2013, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous oui, parce que moi, je m'emploie. Oui. Je m'en confesse. Plus on s'emploie, plus on se cache dans cette implomité. Puis à proximité de l'emplomité, il y a quoi? Une petite lumière rouge. Et ensuite? Une petite lumière orange. Non, c'est jaune. Jaune. Et ensuite? Une petite lumière verte. Et après, on veut passer. C'est ça, on peut passer. Alors, et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous autour du chanteur Brad Scott, chanteur musicien, là, le bassiste. Par un voyage, Captain Bambam, par l'autre rivage, Captain Bambam, par un sauvage, avec ton lit de pain et pain, la wisa, mina, mina, mina, mina, wisa, dina, wisa, wisa, wisa, Captain Bambam, par un voyage, Captain Bambam, par l'autre rivage, Captain Bambam, par un sauvage, allez, la terre est pleine, la terre est pleine! La terre déborde. Non, vas-y, amène ton... Non, commence pas à improviser là-dessus, parce qu'on va déborder. Comme cette sphère. Après une solide formation de musique classique, on parle de Brad Scott. Après une solide formation de musique classique, il se noie dans le punk à 15 ans. Il n'est pas encore revenu, je vous le dis. Il est encore dans les méandres du punk. Il est possédé des Ramones. Ça vient de moi, ça. Dans une ancienne improvisation. Ah, les arts. Vous êtes, c'est un classique. Comment ça, un classique? Ben, c'est mon classique. Quel classique? Ben, voyons donc, je suis. Vous avez jamais vu ça? Ben, pas vraiment. Allez sur Google. Et vous allez taper. OK? Comment j'ai appelé ça, cette vidéo-là? Non, l'emprise des pans. Je suis. Ouais. Prenez un petit café, là, discutez entre vous. Ouais, mais Georgette est très malade, hein, mon doux. Elle a perdu 30 cm de taille, puis... Non, attendez. Ah oui, je suis possédé des Ramones. Allez voir sur Goggle, entrez. Je suis possédé des Ramones, et vous allez voir une de mes vidéos. Alors, 15 ans... Excusez-moi, il se noie dans le punk. Est-ce que tu es là? Ah oui, parce que je tiens pas à vous dire, madame... Je m'accuse. Vous allez voir ça dans les vidéos, oui! Lorsque je parle trop longtemps et que je prends mal ma respiration, vous savez que moi, homme de théâtre, qui a foulé, ah oui, j'ai foulé, je mesure 2 mètres maintenant. Avant ça, j'étais à 6 mètres d'atteindre cette inaccessible formation théâtrale. Monsieur Anouille, ah, il dit, t'es nul, mon petit champion, t'es nul. Parce que ta respiration, si tu continues à pomper comme ça, tu vas avoir le hockey en plein milieu de l'émission. Hey, comment ça, vous savez ça? Ben, c'est normal. Écoutez, moi, je suis pas n'importe qui, là, je suis l'homme de théâtre, Anouille, jus de légumes et boulettes de steak haché. Alors, après une solide formation de musique classique, il se noie dans le punk à 15 ans. Son adolescence le plonge dans l'univers du glam rock. En 85, il quitte Londres pour rejoindre la scène française. Enfin, à Paris, il joue avec Renaud Séchant, puis Arthur Ashe. Brad Scott compose pour Arthur et sur scène. Il chante Léo Ferré ou des classiques comme Le Premier Pas. Là, je tiens à vous dire que la chanson de Léo Ferré, là... Vous allez l'entendre la semaine prochaine en ouverture d'émission, à ne pas manquer. Sinon, c'est téléchargeable sur Internet. J'ai un site officiel. Tapez toujours sur Gargo, l'errance rénalienne, le premier rang. C'est moi, c'est le site officiel. Ensuite de ça, il accompagne ensuite Alain Bachung dans sa tournée Les Grands Espaces, puis Jacques Higelin. Parallèlement, ça c'est dur à dire pour un bègue, parallèlement, parce qu'il y a un point et je dois dire parallèlement. Pas là, à exclure lorsque vous souffrez de... Encore une attaque. Une attaque. Mais je recommence parce qu'on m'a dit, mon très petit collègue m'a dit, Réal, faut continuous. Lâche pas les sinus et continuous, prépuce. Il accompagne ensuite Alain Bachung. Parallèlement, tu vois, hein, je bloque là-dessus sur parallèlement. Quand j'étais petit, là, je mangeais des hamburgers sans ketchup parce que j'étais incapable de dire ketchup. Alors, mon émission est ketchup. Puis j'ai pratiqué longtemps, j'étais couché là, lorsque j'avais 11 ans. Je disais ketchup, le train est passé sur mon corps. Depuis ce temps-là, je suis plate. Oui, une vraie feuille. Une feuille à tête de chou. Et puis donc, Serge Gainsbourg, en parlant de... Hein, il fait partie du Ukulele Club de Paris et crée le Serge Gainsbourg Experience dans lequel il a le rôle du chanteur. Après ce long chemin, c'est seulement en 2011 qu'il sort en tant que chanteur Brad Scott premier. Nous entendrons quelques extraits dans quelques minutes. Ça fait des quelques... Ah oui, en quelques mots, là, c'est trop de reprises. Ensuite de ça, après selon on le dit, en juillet 2012, Errance Rénadienne était là, la preuve. Son père très net qui irritait un pont de trois clients dans les autres. te prenne un solo. Joe l'Arménien, abandonne ton piano pour aller boire l'apéro. Pâche peu de pain, pâche peu de pain. Ce soir, pâche peu de pain, pâche peu de pain. Pâche peu de pain. Le contrebassiste à Louis déficiente commence une valse lente quand le bon joue un mambo. Le pire de tout c'est Sam, Sam au congas, qui veut jouer comme un noir mais qui est juste noir au comptoir. Pâche peu de pire, pâche peu de peine ce soir, pâche peu de j'appelle tout le monde pour on s'en va. On est mieux ici. Oui, c'est la mascotte. Bonjour. C'est les travaux, salut. Ah oui, non, c'est les travaux. Est-ce qu'on peut... Je suis au-dessus de la mascotte. Il n'y a personne. Le Sancerre, comme humain. On va aller au lieu d'aller à la mascotte, on va aller au Sancerre, si ça ne te dérange pas. Si c'est juste à côté. Tu ramènes quelque chose? Un bel Sancerre. C'est le 32 rue des Abeilles. Rouge, un grand verre de rouge. OK, ben alors voilà, ça va être là au lieu du premier endroit, OK? Ben c'est parce que je me suis trompé de place et là je rencontre mes invités ici. C'est juste ça. Oh oui, exactement. Donc on va. Exact. Alors on se rencontre ici. OK, on se rencontre à l'autre au lieu, OK? OK. Oui. Ben, je peux pas parce que je rencontre un autre artiste après. Je rencontre un journaliste. Oui, tu m'as dit ça. Édith Piaf. Oui. OK. OK. Ouais, ouais, c'est ce que tu dis. Ben écoute, on s'en reparle tantôt. Excellent. Merci, salut. Brad, excuse-moi. C'est pas grave, non, c'est bien. C'est bien, oui. C'est Laurence, ça. Ça oh, c'est... Oui, exactement, c'est Laurence Nathalie. Comment ça va encore une fois? Excellent. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui, on s'est rencontrés à Québec pendant un spectacle d'Arthur H. OK, alors bien longtemps. Alors. Donc, ouais, il y a bien longtemps. En 90, ça se peut? Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. À l'époque, vous passiez un truc assez étrange. Oui, ouais, ben oui. Ben, il y avait souvent, c'est des étranges assez souvent. Hein, ah, mais... Oui, ça faisait un concert assez allumé aussi. Ah, oui, bien allumé. Ouais. Ah, et aussi à Québec, il y a toujours eu un petit plus, bizarrement. Enfin, il y avait peut-être pas bizarrement, mais à cette époque-là, ouais. c'est vrai. Hop là. Merci beaucoup. Santé, bonheur. Merci, cheers. Les, cheers, je commence tôt aujourd'hui, mais je suis en vacances. Oh, ouais, tu le chien. Ouais, alors c'est ça. On avait quelque chose avec Montréal et Québec aussi. On était un peu chez nous aussi. Non, oui, puis tu chantais cet extrait, une chanson de Léo Ferré. Ben voilà, mais justement, ça aussi est changé par l'anglais à Montréal. C'est ça, j'aimais bien cette place, quoi, que je me suis trouvé, si tu veux, d'un authentique anglais, donc... Ben oui, en Amérique. Tête carrée, tu vois, mais en Amérique, quand même, avec les Français américains, si tu veux, si j'ose dire, qui étaient un peu, parfois, déroutés de rencontrer un anglais français, tu vois, un anglais parisien. Francophone. Un anglais francophone, oh, oui, même un anglais francophone, oui. Oh. Mais et en plus, pas seulement de parler le français, mais de le chanter, tu vois. Moi, j'ai compris vite fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient ça, tu vois. Que des Anglais, tu vois. Il n'y en a pas, non, il n'y en a pas. Non, mais toi, ce qu'il faut savoir, c'est que t'es à Paris depuis 85. Ouais. Mais avant, t'as étudié le classique, t'as une formation classique. Un peu, ouais. Ben, un peu, très sérieusement, tu t'es adonné à travailler classique. Ouais. Et ensuite, tu t'es décalé dans la chanson un peu plus anarchiste, punk. Ben, en fait, pas tout à fait... Il mange des croustilles, hein, faut dire, ouais, nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. ça tourne, hein? Ben oui, ça tourne. Oh, ben écoute, c'est normal. Ben oui, c'est tu dirais. J'ai eu la chance de faire des études musicales très tôt. Mais pas, enfin, c'était surtout l'église, c'était mon premier gig, mon premier travail, c'était chanteur dans l'église. Parce qu'à genre 11-12 ans, mon père, il m'a coupé des vivres et puis j'étais sans le sou. Et en Angleterre, c'était payé, tu vois, on était payé pour chanter. Okay. Je n'étais pas du tout croyant déjà, mais c'était un travail sur les psaumes, les hymnes, tu vois, le catholique anglican, ça s'appelle, okay. Tu vois, ça doit exister au Québec, voilà. Quand on a un bel organe à tout prix, qu'il faut s'en servir. Luc sera chanteur pour dames et sa voix les fera périr. Luc un jour sera une star, Luc au sommet de tous les charts. Il traversera l'Atlantique avec un hit radiophonique. Un jour, ce sera mon tour. Et pour moi, elles feront le détour. Un jour, ce sera ton tour. Oui, oui, oui, oui, oui. Pour toi, nous ferons le détour. Le quoi? J'ai dit, un jour, ce sera mon tour. Ah. Et pour moi, elles feront le détour. Ça fait 40 nuits que je suis au Newf. Ça brille dans le noir plus fort qu'une alouf. Je me joue des pièces, des opéras bouffe, des rêves de pif, paf et de pouf. Des rêves de pif, de paf et de pouf. Votre sans accord et sans compagnie sur le béton gris qui me sert de lit. J'attends le sommeil pour qu'on me retrouve. Mes rêves de pif, de paf et de pouf. Mes rêves de pif, de paf et de pouf. Avec son cyclope qui part en dentelle, Ulysse dans sa grotte qui voit des merveilles. Je suis mon barreau dessous mon ombrelle. Je nage dans le bleu comme une hirondelle. Je rêve de pif, de paf, de pouf. Je rêve de pif, de paf et de pouf. Régime sec a tourné ma boule. Pas une crevette, un bouillon de poule. Pour le capitaine du bateau qui roule. Du rêve de pif, de paf et de pouf. Un rêve de pif, de paf et de pouf. Mais il y a de mal à désir. C'est cool. Je veille et je viens comme une aile saoule. Et dessous la lune, mon oiseau roucoule. Il rêve de pif, de paf et de pouf. Il rêve de pif, de paf et de pouf. Avec son cyclope qui part en dentelle. Ulysse dans sa grotte qui voit des merveilles. Je suis mon barreau dessous mon ombrelle. Je nage dans le bleu comme une hirondelle. Je rêve de pif, de paf et de pouf. Je rêve de pif, de paf et de pouf. Je rêve de pif. De paf et de pouf. De pif, paf. Pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pouf, pif, pif, pif, pif, pif, pif, tif, tif, tif, tif, tif, tif, tif, tif, tif, pif, paf, pouf, Bratska. Brave ami! Attention, mesdames, mademoiselles, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité. À volonté. Oui, dans ce bon monde, il n'y a plus de volonté. Qu'elle soit faite ici ou ailleurs, en bas, en haut, au fond, en avant. Oh, what? Il est quand même assez triste. D'analyser tout ça avec le recul. Avance, oui. Mais non, mais je prends du recul. Non, non, avance, c'est de la radio. Si tu te recules, personne ne va t'entendre. Ça serait peut-être mieux. Oui, les gens vont me trouver intelligent. Hein? Mais non, mais il recule, avance, c'est comprends-tu? C'est vrai, oui, avance, non, OK, j'arrête, oui. OK, on prend la photo, OK, attention. Belle écho. Bon. Hey, j'ai eu le goût de changer ce soir pour l'est. Quoi? Pour qui? Ben, j'allais dire pour un instant, pour une journée, pour une semaine. Et laisser la place à un autre artiste. Mais je vais commencer quand même avec... Voyons, oui, je suis un petit peu dans le mêleux. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Gérard Depardieu. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Lettres volées ». Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre. Dans l'entre, dans la qui? Dans l'entre. À l'encre de tes yeux, car j'aimerais te dire tout ce que j'ai pu écrire. Je l'ai vu. Bon, bravo, merci. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est le musical des jeunes, non? C'est comment ça s'appelait l'émission, là, avec Martin? Monsieur Paul Martin, non, ça c'est le cook! Voyons, le musical des jeunes, place aux jeunes, le club des jeunes, les petits jeunes, les petits jeunes, les petits jeunes, les petits jeunes, les petits jeunes, les petits jeunes, les petits jeunes, les petits jeunes, sont remplis d'éclats de vie. Les oiseaux, pic, pic, pic, les oiseaux, là, chez les oiseaux. Puis là, je suis tombé de haut en ouvrant le recueil de lettres volées de Gérard Depardieu sur un texte à la page 85, si vous avez... le livre de poche. Ah oh non, ça... Oui, attendez un petit peu. C'est très poche. Ben oui, je ne m'entends que d'une oreille. Qu'est-ce qui se passe? Ben c'est l'oreille. Eh, monsieur, ça jaillit ça. Ça va faire une mauvaise improvisation. Est-ce qu'on peut passer à la musique? Non, on enchaîne. Bon, OK. On va monter le son d'abord. OK, ça va très bien. Merci. Alors, je suis arrivé à la page 85, si vous avez le livre de poche, qui s'intitule « À l'argent ». Puis là, moi, ce qui me dérange un peu, c'est que l'on tombe sur cet être gigantesque qui est Gérard Depardieu. En fait, on le veut. Surdimensionné à l'écran, surdimensionné sur scène et dans la vie, petit. Il est impossible. Excusez-moi, je parle mon népalais comme je détruis mon français. Mais il est ridicule de croire qu'un être est gigantesque sur l'écran et simple dans la vie. À mon avis, là, c'est quelque chose d'inatteignable. Et heureusement, il faut être grandiose dans tout ce que l'on entreprend. Et Gérard Depardieu, il en est le grand témoin. Malheureusement, Le grand firmament. Oui, le grand firmament de ma vie se résume en ces deux chambres des vents. À chaque fois que je te vois, Élodie, je me rappelle des oiseaux du printemps. Oh, ma mignonne, je te fredonne cette chanson des plus rondons. Ah, oui, arrêtons. Et ce soir, ah, dis pas ce soir, là, parce que non, c'est vrai, ce soir. Et ce soir, j'allais pas dire hein? Recule, insignifiant, et laisse-moi peindre mon paysage musical comme il me plaît. En partant de ma petite mignonne, Élodie, approche-toi de mon lit. Oh, c'est bon, c'est excellent. Là, j'aimerais bien m'entendre des deux oreilles. Un, deux, OK, c'est pas grave. Alors, il dit, la première phrase, là, J'ai toujours changé de mot, j'ai changé la vie, j'ai toujours changé mon existence, mais ce soir, je me régale. OK. J'ai toujours été riche. Je n'ai jamais manqué de rien. Tout à l'heure, je suis passé voir mon banquier, Gabriel. J'avais un découvert de 200 millions sur mon compte personnel. C'est terrible, ce mot-là. Découvert. Et moi, j'ai découvert l'Amérique. J'ai découvert Juliette Bibeau. J'ai découvert que j'avais, dans le four, oublié de placer le couvert. Et ma petite viande toute frêle a brûlé. Et c'est pour ça que ce soir, je te sers un vin corsé. Parce que ça coupe le goût, hein? Et j'ai... Non, mais est-ce que tu te rappelles? Lorsque, avec ma soupière, j'ai dit, prends un petit coup de vin avant. Tu verras que le goût t'épicera la bouche. Là, tu t'es dit, ah, certain. Si mon œil vilain plonge dans cette soupière et en relève des affaires passablement dégustative. Dégustative, est-ce que c'est dans le dictionnaire? Ah, ben là, il faudrait regarder Robert. Robert. Il est loin, Robert. Il faudra aller le chercher. Est-ce qu'on le réveille? Ça serait pas une bonne idée. Mais enfin, on le sait pas. On va essayer. Robert. OK. 1990, monsieur? Bon. On voudrait juste trouver un petit mot. Oh, monsieur, êtes-vous en train de bailler, vous? Non, allez-vous donner du bon? OK. Je crois qu'on a frappé sur la rousse. Parce que la rousse, il était sous la douche. Comment ça, il est rouquin? Bouquin? Les livres de chez moi sont aussi dans l'embarras. Et voilà pourquoi... Le grand chanteur Guerrera. Guerrero, je t'entends gémir. C'est de cette balle tombée dans le front. Le front? Mais oui, le soldat. Ah oui, le soldat, la brune. J'étais devant toi, mon enfant, et me voici derrière toi. Je t'épanche la plaie, je te fous la paix. Tu mourras dans mon hantise, mon petit enfant, petit enfant. Petit enfant. Chabin, pow, blop, whiz. Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go. Bang, and zip. Forget your troubles and go. Shabam, pow, blop, Let's talk in bubbles, let's go. Bang, and zip. Forget your troubles and go. Shabam, pow, blop, whiz. If you want to fly above the city, follow me and just like a feather. Whoosh, and whoop. We'll fly along together. Shabam. Troubles and go. Shabam, pow, block, whiz. So, my dear, come here, hang on to me. Splash. I am near. Smash. Just remember this. Crash. Have no fear. Crack. Give me a kiss. Smack. Shabam, pow, block, whiz. Shabam, pow, block, whiz. Shabam. En fait, j'aimais la liturgie, ça, quand tu le chantes, ça, tu apprends beaucoup de choses sur la musique déjà. Ensuite, j'ai fait un peu les études de musique. Voilà. Le tuba, justement. J'ai joué le tuba. Guitare classique et la contrebasse. Mais très vite aussi, c'est quand même les années 70, tu vois. Et genre, à 14, 12 ans, 13 ans, quand j'ai commencé à jouer du rock déjà, tu vois. Mais et punk, beaucoup plus punk. C'était avant le punk, quoi. Okay, c'était genre, on est dans l'époque Bowie, des choses comme ça, ou Pink Floyd même, tu vois. Il y avait ces choses-là qui étaient importantes. Mais en même temps, il y a le soul aussi qui arrivait, le funk. Il y a plein de musiques d'influence différentes qui arrivent tout en même temps. Et puis, évidemment, après, il y a eu l'explosion punk rock. Et j'avais 17 ans, donc très vite, j'ai joué dans les groupes de punk en Angleterre aussi. Okay. Après, il y avait le Cold Wave, tu vois. Et après le Cold Wave, je suis parti. En 85. En 85, je suis arrivé, j'ai échoué à Paris, quoi. Puis tu as rencontré Renaud, parce que ça s'est fait assez... Ben après, il y avait une histoire de groupe assez bizarre. Mais tes parents, à l'origine, ils faisaient quoi pour... Qui? Mais tes parents, à l'origine... Mes parents? Ma mère a toujours fait plein de travail différents. Okay. Et mon père, c'est un peu... Il s'est improvisé beaucoup de travail différent. Intellectuel ou physique ou... Plutôt, oui, un peu les deux au départ, mais c'est quand même... c'est un peu excentrique, je dois avouer. Il est passé maintenant depuis pas mal de temps, mais... il était, quand il était jeune, il jouait de la musique. Il jouait du... son héros musical, c'est Fats Waller, en fait. Et donc, on était très... à 20 ans, il savait bien jouer le piano. Il faisait du stride, des choses comme ça, boogie-woogie. Et donc, mes premières influences musicales, c'est les disques de mes parents, bien entendu. Okay. Et il y avait là-dedans un truc assez marrant, quand je pense. C'était un disque de Johnny Hallyday, quand même. Il faut savoir qu'on est en Angleterre, tu vois, Johnny Hallyday est inconnu. Ouais. Et il y avait un disque qui s'appelle Let's Twist à Saint-Tropez. Je ne sais pas si tu peux le trouver. Internet, on peut tout trouver. Hein, même et ça, c'est, je crois que c'était chanté en anglais, en plus, tu vois. Okay. Et, avec l'accent, sans doute. Oui. Et là, c'est lui et Piaf, ça doit être les premiers contacts avec la musique française. Quoi, ça? Piaf, oui, parce que Piaf était connu dans mon enfance en Angleterre. Un c'était... peu comme Yves Montand. Oui. Mais moi, je me rappelle d'avoir écouté Je ne regrette rien quand j'étais très jeune. Okay. Et d'avoir été frappé par une attitude qui fait que je suis là aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien, mais quelque chose dans une passion latin, quelque part, qui n'existe pas en Angleterre, effectivement. Okay. Alors... quelque chose dans la chanson, dans la mélodie, un truc, une passion, voilà, ça c'est une passion. Ouais. Et est-ce que tu y retournes en Angleterre pour faire de la musique ou au contraire Oui, ça arrive. J'étais, il y a un mois, j'étais dans le Pays de Galles. Dans le nord d'Angleterre, dans un studio avec une jeune... Voilà, ça c'est marrant, tu vois. Toutes ces histoires de langue, ça devient aussi important et aussi vivant et contestable ici que c'est depuis très longtemps chez vous. Ouais. Par exemple, là, je travaille avec une jeune chanteuse qui s'appelle Swan, qui va sortir... S-W-A-N S-W-A-2-N, voilà. Okay. Ouais. Chloé Swan, voilà. Et elle, elle a 20, 22 ans, 23 ans. C'est une très... bonne songwriter, tu vois, dans un, au départ, une influence folk, tout ça. Enfin, cette génération, c'est extraordinaire, je trouve, quelque part, des jeunes qui... leur référence, c'est la musique des années 60, quand même, même s'ils sont, ils ont 20 ans, tu vois, c'est... Ah oui, oui. Ben, leur père écoutait ça, leur mère. Oui, il y a de ça, oui, voilà, mais c'est extraordinaire, je trouve ça. Mm-hmm. Enfin, bref, on a enregistré au Pays de Galles, et elle, elle chante qu'en anglais. Okay. Elle écrit en anglais. Okay. Et comme tant de gens de sa génération aussi, des Français et des Françaises qui n'arrivent pas et qui ne veulent pas chanter dans leur propre langue. Quelque part, il y a l'inverse de le phénomène au Québec où il y a cette revendication. Oui. Nous, on va chanter dans notre langue. Et quand ici, on chante en anglais, pourquoi tu chantes pas en français? Non, on ne va pas chanter dans notre langue. On peut pas, même en entendre, tu vois. Pépé descend l'escalier. Pépite adorée, Pépite adorée, paupières charbonnées, cœur carbonisé, tout pour la galerie, pour mon canari. Je pousse mon wagonnet, mineur détourné, je tire mon boulet, m'étant argenté, elle fait mine de rien, mais je perds la laine derrière ses petites seins, son acétylène. J'ai cédé ma cassette du côté d'Arpajon. J'ai pas creusé assez profond. Vive le mouchoir! Ouais, nous sommes ensemble jusqu'à 2 heures du matin, monsieur. Merci de nous avoir appelés. On passe à un autre. Passe. Coupe-le, madame. Coupez-le. Non, pas là. Non, monsieur. Madame, non, pas. Oui, merci. Allez, le couper court, elle. Cette semaine. Et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons. Squeezeront, éplucheront, déshabilleront. Oh! Ça, quand tu fais 30 000 choses en même temps, c'est comme ça que ça se coupe aussi rapidement dans l'interprétation de ton œuvre. Alors, œuvre est un peu exagérée. Exagérée est cette émission. Émission. Nous amènerons... Non, c'est quoi? Nous amènerons... Une émission. Nous amènerons... Eh bien, c'est bon, ça. C'est comme à l'école. Moi, quand je faisais des dictées, j'étais collé sur ma copie. Je me disais... Oh, il faudrait que je regarde à côté, à gauche, à droite, parce que... Alors, toi, copie... Ben, copie vient de copier. Comme ma maîtresse me disait... Les enfants... Prenez votre cahier Canada. Ah non, je suis pas. Comment ça, on n'a pas un cahier québécois? Excusez-moi. Comme nous sommes en cette fin d'année 2013, séparés du Canada, prenez votre cahier du Québec. Ah, enfin. Enfin, j'ai un pays à comprendre. Et enfin, j'ai un pays à aimer. Hey, non, mais la semaine dernière, j'ai quelqu'un qui m'a dit... Moi, j'ai peut-être une petite idée qu'il me connaissait sans que moi, je le connaisse. Ça arrive souvent, ça. Ah, mais quand on est des vedettes, vous savez, madame, mademoiselle, on reste très simple. On se fait dire « Monsieur Gagné ». On passe en avant de tout le monde, le peuple en général. Intérêt principal. Mais on veut quand même être pris comme la majorité, c'est-à-dire les êtres qui, un jour, termineront leur existence. Mais avec l'épitaphe la plus gigantesque du monde, enfin, de mon monde. Mon monde à moi, c'est le cinéma, c'est la radio. Avant tout, la radio. Mais non, c'est... Hey, arrête! J'ai dit une connerie, madame. L'avez-vous... Madame, M. Gagné, s'il vous plaît, on aimerait que vous rassembliez... On aimerait ça. Oui, on aimerait ça. Rassemblez vos esprits. Oui, conjuguez donc. Oui, c'est ça, on rassemble vos esprits. Dans trois valises disparates. Oh, mon Dieu. Moi, je voulais qu'ils reviennent à Québec, là, mais je vais prendre des billets pour disparates. Ça part quand, là? C'est, j'espère qu'il y a du soleil en disparate. Ben, écoutez, le ciel est tout à fait éclairé, mais d'une manière non pareille, enfin, disparate. Ben voyons donc, vous m'amenez au ciel? Ben non, mais vous allez arriver en avion, madame, monsieur, mais disparate. Hey, c'est quoi cette affaire-là, là? Je me suis embarqué dans une allusion tout à fait singulière. Moi, je veux pas aller en disparate, moi, je veux rester à Québec. Si que ça se passe, là, en fin 2013. Madame Gaulois me l'a dit. Renal, continue ton beau travail. Fais-y. Ben oui, mais j'y vais, mais où? Va en disparate! Bon, OK, on m'envoie tout le monde. Tout le monde m'envoie là-bas. On y va! Madame, j'aimerais avoir un billet pour la disparate. Oui, à quel endroit? Ben, disparate. Oui, mais c'est, oui, effectivement, ce sera ce sera un peu partout. Non, mais OK, c'est là-bas. C'est très là-bas, un peu partout. Là, comment je vais faire? Ben, laissez-nous vous conduire. Ah, mon Dieu, quelle erreur. Ah oui, à la queue-leu-leu. Oh! Comment il s'appelle, Carlos? Alors, Carlos, à la queue-leu-leu. À la queue-leu-leu, ding. À la queue-leu-leu, ding. À la queue-leu-leu, à la queue-leu-leu, à la queue-leu-leu, ding. OK, attention. Tous les occupants des sièges 43, 72 et 97... On priait de prendre l'avion Nono, très Nono, c'est tellement con cet avion-là, on l'appelle l'avion Nonolisé. Ah, mon Dieu! Il y a juste un moteur, mais, hey, wow, moteur, là! Je suis pas certain qu'il va fonctionner jusqu'à là-bas, là, c'est où? Jusqu'à disparate. Ah, mon Dieu. Et si vous plongez dans l'océan de la médiocrité, Monsieur Gagné, c'est moi ça, c'est moi. Monsieur Gagné, oui, c'est moi, depuis le début, là. Vous savez qui vous a amené là-bas? Ben, qui vous amènera là-bas? Ben oui, madame, oui, disparate. Pourquoi? Ben là, je sais pas pourquoi, mais c'est un cauchemar, ça, là. OK, je me réveille et je me bouscule. J'ai peur d'avoir froid, comme d'habitude. Je refais le lit. Je te fais la bise, ma chérie, comme d'habitude. Puis je m'en vais me raser et m'électrocuter, comme d'habitude, cette semaine. Et ce jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons, à prendre un mot celui-ci, pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de Arrête de lécher le micro, toi, là! Tu vas prendre des courts-circuits! Comme d'habitude, OK, arrête! Tranquille! Au pied! Fais le beau! Le beau roi de Gobain, là, mis ses culottes à l'envers, le bon saint éloigne mon dit désespoir, avec culotte et tu vas mal lécher! C'est bon, lui dit le roi, je vais les remettre à la loi. Deuxième psaume. Et bon, voilà, comme c'est quoi ça? C'est en mode rapide, parce que je ne savais pas la suite. Il n'y en a pas de suite. OK. Alors, poursuivrons l'évron à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe morceau. J'en ai perdu deux morceaux. Dans l'eau. L'eau, l'eau quoi? L'eau. Très lentement, ça descend dans l'eau. Et ça se divise en deux. Et ça, ça me dérange un peu. Parce que on m'avait dit en début, ben non, en milieu d'émission, c'est pas au début, c'est en milieu d'émission, que mon cœur était en deux aussi. Tout est en deux. Tout est tendu en deux. Au soleil. Nu. Au soleil. Au soleil, je vois Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, c'est beau. C'est, non. Deuxième prise. Merci, madame. Brigitte Bardot, c'était beau. Ah, ben là, vous ridiculisez nos aînés. Ben non, monsieur. Je ridiculise Brigitte Bardot, puisqu'elle ne cherche que ça. Elle a dit que notre chanson, beau dommage, crée-moi et crée-moi pas quelque part en Alaska, il y a qui s'ennuie, bon, c'était amener ces animaux à une dissolution, hey, c'est beau ça, merci, j'allais dire aux solutions, mais il n'y en a plus de solutions là-dedans, il y a des dissolutions. Première solution, prendre le phoque. Et lui dire « Beau fuck, beau fuck, beau fuck. » Ça, c'est très beau, là. Il se valorise. Puis, c'est merveilleux. Deuxième, prendre le fuck à ses bras. Non, c'est quoi? Prendre le fuck et l'amener pour ne pas qu'il se fasse ridiculiser par l'autre. Troisième, le fuck te regarde et tu le regardes. Il te dit quatrièmement, le fuck, tu vas te rendre à 10 là-dedans? Non, je vais me rendre, monsieur le policier. Allez-y, rendez-vous! Vous êtes court-circuité par l'abondance de l'intelligence qui n'est pas la vôtre. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? L'intelligence, pas encore, comme la vôtre. Il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. C'est la consonance des lieux. Ah, c'est vrai, on a enlevé toutes les meubles pour mettre de l'écho. Puis là, ben, quand on se la frotte quoi? On se la frotte l'écho. Hey, frotte-moi l'écho, ma petite championne. Tu vas voir que ça va répondre. On y va. Attendez, est-ce qu'on peut y aller, là? Sommes-nous dans l'écho? Mais j'espère, on a demandé à... Sommes-nous. Sommons-nous et nous nous récolterons. Hein, allez-y. Sommes-nous des enfants de du Québec? Oui. Sommes-nous des réparateurs de la langue française? Peut-être. Sommes-nous des sommités? Je ne crois pas. Vraiment, là, attendez, là, on va s'arrêter 2 secondes. C'est terminé. C'est 2 secondes. Sommes-nous? Oh, ça, c'est intéressant, là. Sommes-nous? Non, sommes-nous? Ben, oui. Il y a toi, il y a lui, il y a elle. Elle ricane depuis tantôt, elle. Là, elle ricane pas, elle pleure. Amando, elle pleure depuis tantôt. Alors, sommes-nous? Nous sommes somnolés. Nous sentons que la fin approche. Et c'est pour cela que j'aimerais bien nous dire bonsoir. À la prochaine. Merci. Et à la semaine. À la semaine qui s'approche. Ben là, dans 6 jours, ben 6 jours, c'est déjà très court. Mmh. parcourant l'amour monstre de Powell's. Me vint une vision dans l'eau de cells. Tandis que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or, le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusqu'aux anneaux de cuisse, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de galère dans les cheveux. Pas ignorer ça, tu vois, parce que moi je suis un Français, enfin un Anglais qui vit en France, ou un Français anglais, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas je suis interpellé par ça tout le temps. Et pour moi, depuis longtemps, ma réponse à tout ça, c'est aussi de chanter en français pour dire voilà. On peut être anglais et chanter français. Ouais, on peut. Autant qu'on peut être français et chanter en anglais. Ben oui, on peut, on peut. Et puis, le monde est à nous. C'est aussi peut-être un côté genre contre-courant aussi, finalement. Moi, j'aime bien. C'est mon côté punk. Hein. Ouais, c'est mon côté punk, voilà. J'aime bien nager contre le courant, même si on est sûr de couler, quoi. C'est pas grave. On y va. Mais en 85, t'as rencontré Renaud. C'est venu ça, mais en fait au départ c'était. Mais sur quel album? Ah non, j'ai jamais sur. Enfin, il était sur Chatron Sauvage. Ok, ouais. Et il a été un peu au zénith de son truc. Et, au zénith en 85. Et justement, il a fait le zénith pendant. C'était en 96, je crois. Non, 86, voilà. Okay, ouais, ou 87. Okay. Il a fait 30 jours d'affilée au zénith de Paris. Avec un décor pas possible, avec un arbre, je sais pas si c'est légendaire cette tournée, avec de la pelouse quoi. Ils ont installé une pelouse et un arbre, et les musiciens étaient dans l'arbre et tout ça. Et nous, parce que moi je me suis fait recruter par un groupe breton qui, c'est ça l'histoire, qui était censé être les Pogues français. Le Louis. Voilà. Ah ben oui, mais c'est Renaud qui les a connus. Et voilà, Renaud nous a invités à jouer ses premières parties. Et donc tout d'un coup, je me trouvais devant des dizaines de milliers de gens, tu vois. Et puis nous, on avait fait un espèce de rock avec des cornemuses, tout ça. Puis ça a eu un succès de fou, quoi. On s'est bien amusé. OK. Et ensuite, ben là, tu as rencontré des artistes qui se sont tranquillement joints à ton univers. Bachon, Nigelin. Ben après, le grand rencontre, c'était quand même Arthur. C'était à peu près à ce moment-là où j'ai croisé Arthur. Et commençait. Arthur commençait, enfin, on commençait ensemble quelque part. Enfin, il avait déjà fait quelques tentatives avec son premier groupe, Bizarre Bizarre, ça s'appelait Bizarre Bizarre. Ah, c'est marrant, ça. Et c'était quoi, vous, Bozo Bozouk Band ou Bazi Bozouk Band? Le Bashi Bozouk Band. Ah, Bazi Bozouk Band. Oui, voilà. Au départ, il y avait une chanson qui s'appelait comme ça. Oui, du premier album. Oui, je pense. Oui. Et puis sur cette chanson, il y a un arrangement de John Hendelsman, un arrangement de cuivre. Et puis on a tellement aimé ça qu'on s'est dit non, il faut des cuivres maintenant. Ah ben, il faut des cuivres, il faut un percussionniste. Donc il y avait Edmundo Carnero. Il y avait John Hendelsman, il y avait David Lewis. Et après, un jour, on a joué dans l'Alsace, on a flashé sur une première partie. Oui, oui. Un mec qui jouait des ondes Martineau, le fameux Thomas Bloch, tu vois. Et à l'époque, les ondes Martineau, personne n'a jamais vu ça. Et on a tombé sur lui. Il jouait avec une fille qui s'appelait Adèle B. Je ne sais pas si... Oui. Voilà. Mais elle a eu un petit succès, je crois. Oui, oui. Mais elle était marrante, cette fille. Moi, j'aimais bien cette fille. Et donc, on a recruté Thomas aussi dans le Bashi Music Band. Mm-hmm. Il y avait Paul Jotti, il y avait moi, il y avait Arthur, notre leader. Et là, c'était une grande aventure musicale et humaine et même géographique parce qu'avec ce groupe-là, on est allé au Japon, on est allé en Afrique, on a fait des tournées en Afrique. Et puis, bien sûr, on est venu plusieurs fois à Québec et puis... Montréal. Et Montréal. Et on s'est installé un peu à Montréal à un moment donné. On jouait chaque soir... Au Club Soda, je crois. Exactement. Et c'était... on faisait de la fête continue là-bas. C'était un très bon moment, quoi. Un très, très bon moment. Je m'en souviens presque plus, mais ça a été extraordinaire. Non. Ensuite, votre chemin s'est un peu divisé. Moi et Arthur, ben non, on a resté longtemps ensemble, en fait. Oui, albums. Oui, mais il y a eu... oui, après, bon, le groupe... tout a changé. C'est long, tu vois, en même temps, j'étais 15 ans avec lui, donc c'est long. Et il y a eu beaucoup d'évolutions, c'était voulu par tout le monde aussi de casser toujours, de changer, de repartir sur notre truc. Donc on a beaucoup fait ça. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. Et Clyde Barrow, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. When I first met Clyde in days gone by, he was a loyal, straight and faithful guy. Il faut croire que c'est la société qui m'a défini. Lovers and cold-blooded killers. C'est pas drôle, mais on est bien obligé. To shut down all those screaming monkeys, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman se fait buter,

les 15 ans. Je me suis dit, c'est con parce que en fait, quelque part maintenant, je trouve ça bien. Il y a l'histoire de la contrebassiste de Georges Brassens. Je ne sais pas si tu te rappelles son nom. Non. Moi non, c'est la honte. Mais, alors, on le voit toujours avec Georges Brassens. Oui. C'est bon contrebassiste, donc il est toujours là. Il était là jusqu'au bout. Derrière, en sourdine. Et je trouvais ça génial, mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas être comme ça avec Arthur, donc que j'avais pas envie. Voilà, en plus, je suis. J'avais peut-être besoin de m'exposer un peu plus, tu vois. Voilà, et puis moi aussi, j'ai pris beaucoup plaisir à chanter dans le spectacle d'Arthur, d'être un peu en pitre, mais quand même de faire péter la chanson, parce que j'ai chanté, oui, c'est l'extra. Aussi... Ça, c'était presque dans le milieu du spectacle. Ouais, lui, il prenait un rôle secondaire, c'est bon. Oui, je jouais l'instrument, tout comme ça. Exactement. Mais c'était une bonne idée, ça articulait bien le spectacle. Et moi, je m'éclatais comme un fou. Après, j'ai fait le premier pas, tu vois, et là, c'est encore plus une grosse chanson de la variété française. Qui, évidemment, c'est sur la frontière entre l'impossiblement ringard et l'ironie et la dérision. Et en même temps, il faut que ça reste premier degré aussi. Tu vois, c'est... Tu dois la jouer entièrement. Voilà. Tu ne peux pas juste faire un truc, genre, trop... Pour te foutre de la gueule. Non, c'est trop facile et ce n'est pas élégant, finalement, tu vois. Ouais. Et donc, aussi, par exemple, il y a des chansons comme ça. Ça me fait penser, des fois, la musique italienne aussi, la pop musique italienne. Il y a quelque chose de très lyrique dans le volet. C'est la passion encore. C'est vraiment quelque chose dans cette musique qui doit m'attirer, j'avoue, finalement. Et voilà, tu vois. Et toi, à un moment donné, tu t'es fait voir parce que Alain Bachung est venu te demander de te retirer avec un groupe de musiciens pour être choisi éventuellement pour faire les grands espaces. Ah oui. Et là, c'était... Bizarrement, ça c'était. Je me suis rendu compte à quel point je voulais absolument ce travail. Pourtant, avant, j'ai vu Bachung quelques fois sur scène. Il y avait quelque chose. J'accrochais difficilement au départ parce qu'il y avait ce côté très intense, très noir, très mélancolique, voire dépressive, que j'avais l'impression que je cherchais pas ça dans la musique. Mais après. Et quand on a travaillé ensemble, on a surtout travaillé sur l'album L'imprudence, bien sûr. Et là, c'était une période très très riche, vraiment très riche, où j'ai compris beaucoup de choses sur la poésie, quelque part, le chant aussi, parce qu'il était vraiment à ce moment-là. Au sommet de son art, je trouve. Il était en train d'inventer son art aussi. C'est incroyable ce qu'il a fait, Bachung, parce que ça commence comme un chanteur de variété rock'n'roll et il termine comme... il est presque au Panthéon, tu vois. Il a rejoint Ferré, Ebrel, les autres. Il a posé son... Son univers. Voilà, et c'est l'univers, c'est grand, quoi, c'est pas petit. Hein. Et ce côté noir et dépressif, au bout d'un moment, j'ai senti le côté aussi libérateur de la mélancolie, tu vois, spirituel. Voilà. Et donc, c'était une période très, très dense, très riche pour moi, très exigeant aussi, quelque part. T'avais pas l'intérêt à déconner derrière lui sur scène, quoi. Évidemment, c'est normal. Mais autant plus que, voilà, il avait des antennes, tu vois, il sentait tout. Et puis, il était tellement exigeant envers lui-même pour sa public. Il voulait vraiment... Il est perfectionniste aussi. Mais ça l'empêchait pas non plus de donner des coups vraiment... sans réserve, quoi, vraiment. On a fait des... Maintenant, quand je vois des films et tout ça, et j'écoute le live, je suis content, quand même. Ah ouais, j'ai franchi quelque chose. Vraiment. Là, c'est quelque chose que... Je sais que c'est... Enfin, tout, en fait, quelque chose. J'ai eu beaucoup de chance. C'est un bel parcours jusque-là, quoi. Mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux. De mon image, je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications.

je sais que ce télégramme est le dernier télégramme. Tous les télégrammes que je t'enverrai jamais. Oui, après, je travaille avec Higelin, Higelin le père. Oui, exactement. Oui, c'est vrai, Charles Higelin, parce que sans doute qu'il t'a vu avec Alain Bachon, donc il t'a... Il y avait ça, il y avait aussi parce qu'on était avec, j'ai avec Yann. Yann Bachon. Avec Alain, et ensuite, c'était pas mal de prendre guitare, basse, ensemble, c'était un peu comme ça. Est-ce que c'est Yann qui lui a proposé? Pour Higelin? Oui. Je crois bien. OK. Je crois bien. Et peut-être Arthur aussi, Marc. Ah bah oui, bah oui. Donc voilà, j'étais dans le service du grand patron. Oui. Ça, c'est un autre univers aussi. Ah oui, vraiment. Puis qui n'a vraiment pas rien à voir avec Alain Bachung. C'est... Il y a des liens quand même. Ah oui? Il y a des liens. Ils étaient assez proches à un moment donné même. Bachung faisait les premières parties d'Higelin. Il y a plein de choses. Quoi, dans le... À un moment donné, quand tu vois l'Higelin de BBH ou des choses comme ça, ouais, et il y a un côté rock and roll qui est aussi qui anime les choses d'Alain Bachung, comme toujours sur la ligne blanche, des choses comme ça, tu vois. Un rock français années 70, assez saignant, assez électrique, tu vois. Ouais, quand même. Intense. Est-ce que mon guitare est une fusil, tout ça? Mais Higelin, c'est pas le même personnage, oui, c'est sûr. C'est... Il est plus gay, quoi, finalement. Il est plus... Fanfaron, plus... Oui, et plus raconteur, et tout ça. C'est ça, entre deux chansons, ça peut durer 10-15 minutes. Ah, ça oui, voilà, oui, c'est sûr, oui. C'est Higelin, c'est un personnage de... Ça me fait penser aux Enfants de Paradis, tu connais ce film-là, tu vois? Oui. Une espèce de Pierrot, un personnage... extravagante comme ça, tu vois, qui est toujours surprenant aussi, et qui a une approche très ludique à son art. Et c'est toi son âge, hein, parce qu'on peut avoir des désillusions, mais lui, il est toujours resté... Assez comme traîné, c'est un jeune éternel, lui, tu vois. Oh, oui, c'est un éternel. Forever young, you know, c'est ça. Un ado éternel. Ah oui, c'est clair, oui. Et c'est ce que les gens recherchent, et c'est pour ça, sans doute, qu'il quelque est part, oui, le oui. chanteur qu'il est devenu. Je pense aussi, oui, parce que beaucoup de gens sont touchés par Higelin et sa sincérité, et c'est un grand artiste. Et il a connu toutes ces gens aussi qui ont laissé une influence importante, par exemple, je pense à Barbara, il était très ami avec Barbara Higelin quand il était jeune, et je pense que ça joue sur... Dans l'univers, dans la façon de chanter. Oui, c'est vrai. Et surtout quand il se place au piano, un peu comme Barbara, c'est... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là, on sent la magie. Et tu t'es donné au ukulélé aussi. Ah oui, j'ai beaucoup donné au ukulélé. Non, et puis t'as même fait un album ukulélé. Ukulélé Club de Paris. Exactement. Oui. Et je vais en faire d'autres. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le ukulélé, que la guitare ou la basse peut pas te... Il y a plein de choses. Aussi le côté mignon, mais pratique aussi. Quand tu joues la contrebasse, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, tu vois. Oui. Le ukulélé... Tu peux partir. Oui, voilà, c'est bon, tu amènes ça partout. C'est tout petit, c'est comme une baguette. Voilà. Et en même temps, tu peux, avec un petit peu de travail, tu peux sortir des choses surprenantes, tu peux... Je sais pas, moi j'ai joué le ukulélé depuis que je suis très jeune, hein, depuis que je suis 11 ans, je crois. Okay. En Angleterre, on trouvait vraiment pour rien du tout ces instruments. Toujours même. Snobé surtout, hein. C'est un instrument qui est snobé, puisqu'on dit... Au départ, oui, c'était un jouet, quoi. Mais en Angleterre, en fait, c'était un instrument des pauvres. Genre les soldats, ils amenaient ça pendant la guerre, des choses comme ça. Et il y a une manière, surtout les ukulélé banjo, qui... Enfin, tu peux le faire swinger un peu. Il y a des trucs à faire, quoi. C'est pas mal. Maintenant, c'est devenu énorme, les ukulélé Il y a une vague, ukulélé, ça ne cesse pas de quad, quoi. Genre, oh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je il y a ça. Même une BDiste qui s'est mise au ukulélé et que tu connais, Dorothée, qui a fait un album sur un chien, là, un album disque. Est-ce que tu connais? Non? Ben, en tout cas, elle s'est mise au ukulélé avec Truand, le guitariste Tony Truand. Est-ce que tu connais Tony Truand? Truand, bien sûr. Il a donné des cours. Il était avec dans le ukulélé club avec moi. Oui, oui, oui. Puis il était avec les Wampas et voilà. Bien sûr, Tony, bien sûr. Oui, oui, c'est un grand fanfaron, lui aussi. Oh là là! C'est un personnage. Oh là là! J'ai fait un haut du disque avec lui. Oui.